Deuxième partie. Bonjour. Bonjour, monsieur Delon. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Vous êtes français? Non. Vous apprenez le français? Oui. Vous avez un livre? Oui, j'ai un livre. Bon. Où est-il? Là. Où? Il est sur la table.